الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس الثاني لقراءة بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع تعليق موجز عليها. Donc nous entamons, inshallah, le deuxième cours concernant la lecture de certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un commentaire en résumé dessus. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس صحيح رواه الترمذي. Dans ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche l'agrément d'Allah et cela amène à la colère des gens, Allah le suffira contre ces gens. Allah sera à ses côtés contre les gens. Et celui qui cherche l'agrément des gens, alors que cela amène la colère d'Allah, Allah il le délaisse vers les gens. Allah le délaisse entre les mains de ces gens. فهذا الحديث مما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن الإنسان عليه في هذه الدنيا ألا يبحث إلا عن رضا الله سبحانه وتعالى أن يرضي الله تبارك وتعالى في أقواله وفي أعماله كلها لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا بل يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى ويتوكل على الله الواحد سبحانه وتعالى. Donc dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous donne un grand enseignement, que la personne dans ce bas monde ne cherche que la satisfaction et l'agrément d'Allah seul subhanahu wa ta'ala. Il ne recherche aucune récompense dans ce bas monde, aucun remerciement, aucune éloge. Il ne cherche que l'agrément et la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherche refuge, il ne met sa confiance qu'en Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لعن رسول الله, هذا الصحابي الذي يروي الحديث يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي حسن رواه الترمذي. Donc dans ce hadith Hassan rapporté par al-Tirmidhi رحمه الله, il est dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a maudit celui qui donne les pots de vin, la corruption, et celui qui la prend. La main qui donne et la main qui prend. Les deux, ils sont maudits. ولهذا لا يجوز لإنسان أن يعطي شيئا كما يفعله البعض عند بعض الجمارك وعند بعض السلطات ويعطيهم، وهذه رشوة وهذه لا تجوز إلا لإنسان عنده حق ولا يستطيع أن يصل إلى هذا الحق إلا بالرشوة، فأعطاها مضطرا وليس عن رضا، مضطرا، فهذه الحالة حالة ضرورة، واللوم والذنب على من أخذ هذه الرشوة. Donc il est interdit de donner quoi que ce soit aux douaniers ou à une quelconque autorité de corruption ou de pot de vin, cela est interdit de donner ou de prendre. Sauf une personne qui est en cas de nécessité. Il a un droit. Et on l'empêche d'atteindre ce droit si ce n'est en donnant un pot de vin. Si jamais on l'a contraint à le faire, le péché, il est pour celui qui l'a contraint, pour celui qui l'a prise, et non pas celui qui l'a donné, car il ne l'a pas fait avec satisfaction, mais il l'a fait avec contrainte. Donc là, il est pardonné. وإلا ففي الحالات العامة لا يجوز. Donc dans les moments normaux, il n'est pas permis de donner. حتى فيه نهي عن إعطاء الهدية للموظف في مكتب أو إدارة تحتاج إليه فيعمل لك ما تريد ثم أنت تأتيه بالهدية. هذه الهدية لا تجوز. Même donner un cadeau à un fonctionnaire, à quelqu'un qui travaille dans un endroit dont il arrive que tu as besoin de ses services et qui a fait un travail pour toi, et toi tu dis en récompense je vais lui donner un cadeau. Le fait qu'il est dans ce bureau, le fait qu'il est dans cette fonction, eh ben tu n'as pas le droit de lui donner ce cadeau et il n'a pas le droit de prendre ce cadeau. لماذا لأنك كأنك تشري خدماته. Parce que c'est comme si tu achetais ses services. Comme si tu achetais ses services. ولسد هذا الباب جاء المنع. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابيا لجمع الزكوات عند الناس. فرجع وأعطى الزكوات للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهذا لي. قال يعني كان عنده زيادة. وقال هذه الناس كانوا يهدون له، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألا جلس أحدكم في بيته حتى تعطى له. Il y a un homme qui fut envoyé par le prophète صلى الله عليه وسلم pour ramasser les zakats chez les gens. Mais quand il ramassait les zakats, il y a des gens qui lui donnaient des cadeaux. Il dit tiens la zakat et puis ça c'est un plus, c'est pour toi. Et lorsqu'il est venu au prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a dit voilà les zakats. Le prophète lui a dit est-ce qu'il y a en plus là. Il lui a dit non, ça c'est des cadeaux qu'on m'a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pris de colère, lui a dit pourquoi l'un d'entre vous ne reste pas chez lui enfermé jusqu'à qu'on vienne toquer à sa porte pour lui donner des cadeaux. Yani, c'est, on te l'a donné pourquoi? Parce que tu ramasses les zakats. Tu ne sois pas dur avec les gens. Tu fermes les yeux sur des choses. Si les gens ne te donnent pas les meilleurs de leurs bêtes ou de leurs récoltes, tu auras du mal à dire quelque chose parce qu'il te fait un cadeau. Subhanallah. Pour fermer ces portes-là, dans ces situations-là, on ne donne pas de cadeaux et on ne prend pas de cadeaux. Il faut que ce soit vraiment qu'il n'y ait aucune autre intention en dehors de ces choses-là. Fama balukum bir rashwa. Que dire alors de la corruption et des pots de vin? Wal iyad billah. Wa ra'aytum anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam la'ana ar-rashi wal murtashi. Ma ma'na al-la'na? Al-la'na ma'naha at-tardu والإخراج من رحمة الله تبارك وتعالى. ماذا ينتظر من لم يعني من أخرج ومن طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. Donc, si vous avez vu, celui qui fait ça, il est maudit. Qu'est-ce que la malédiction? C'est d'être rejeté, d'être sorti de la miséricorde d'Allah. Qu'attendez-vous d'une personne qui n'a même pas gagné la miséricorde d'Allah تبارك وتعالى. Qu'Allah nous en préserve. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري. Et dans ce hadith rapporté par al-Bukhari dans son authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui tombe du pagne, l'izar, c'est le tissu qu'on s'attache à la taille de la personne qui tombe vers les jambes, ce qui tombe en dessous des chevilles est dans le feu, ce qui dépasse les chevilles est dans le feu. هذا ليس للإزار فقط هذا الحكم للإزار وللقميص وللسروال أي لباس يسقط وهذا خاص للرجل هذا المعني به والرجل فحده الأقصى هو الكعبين ولا يجوز أن يكون أسفل من الكعبين وإلا فهو في النار. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم parle de l'Izar. Mais la règle, elle est la même, que ce soit pour l'izar, que ce soit pour le kamis, que ce soit pour le sirwal, le pantalon. Tout ce vêtement qui tombe, qui vient à descendre, il n'a pas le droit, pour un homme, là ça concerne l'homme, il n'a pas le droit de laisser le vêtement descendre en bas des chevilles. Tout ce qui dépasse les chevilles est dans le feu. وَهُنَاكَ مَنْ يَقُولْ هَذَا فَقَتْ لِلْخُيَلَا لَا مَنْ فَعَلَهُ خُيَلَا فعقابه أشد هذا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب شديد. Il y en a qui disent ça c'est pour seulement celui qui le fait par orgueil. Non, celui qui rajoute à cet acte-là l'orgueil, le mal il est encore plus grand. Celui-là, Allah ne le regardera pas يوم القيامة. Et Allah ne lui parlera pas et il aura un châtiment douloureux. Qu'Allah nous en préserve. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما رواه البخاري. Et dans ce hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète صلى الله عليه وسلم dit: celui, l'homme, la personne qui dit à son frère: ô toi le mécréant, il y en a un des deux qui le devient. هذا يعلمنا خطورة الحكم على الأشخاص. إنسان مسلم ما ألزمك الله تبارك وتعالى بالحكم عليه، وهذا خاص بأهل العلم وأهل المعرفة الذين يعرفون الأحكام ويعرفون مدى خطورة هذه الكلمات والعبارات ويعرفون الشروط والموانع. أما الجاهل أما العامي فهذا ليس مطلوب منه ولهذا ينصح الناس بالابتعاد عن هذا وترك هذا لأهل العلم ولأهل الخبرة بذلك. Donc le hadith nous enseigne le danger d'aller juger, condamner un musulman comme quoi il n'est plus musulman. C'est très grave. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut laisser cela aux gens du savoir, aux gens de la connaissance, les spécialistes du domaine, qui connaissent le danger de tel et tel propos et la gravité de telle et telle parole, qui connaissent les conditions et qui connaissent les empêchements, qui connaissent les règles pour pouvoir dire telle ou telle chose sur la personne. L'ignorant, la personne de la masse, Allah ne lui a pas imposé, ne lui a pas demandé de faire cela. Donc, il nous est conseillé de nous éloigner de cela. Il nous est conseillé de nous éloigner de cela. Wa ra'aytu fil hadith, in lam yakun kafiran, fatarji'u al-kalima ila al-hukm yarji' ila man ila al-qa'il. Vous avez vu le danger? Si jamais la personne qui est en face, elle ne l'est pas, ça revient sur qui? Sur celui qui l'a prononcé. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. وهذا لا يعني انه ليس هناك كفر بالاقوال او الافعال او الاعتقادات. نعم موجوده. اما الحكم على الشخص Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paroles ou d'actes ou de croyances qui font sortir de l'islam. Bien sûr qu'il y a. Mais là, on parle de juger la personne. On parle du jugement à donner sur la personne. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه صحيح رواه أبو داود. Dans ce hadith authentique rapporté par Abu Daoud, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit: l'enfant, le nouveau-né, est l'otage de sa aqiqa. Al-aqiqa, qu'est-ce que c'est? C'est la bête qu'on immole pour le nouveau-né. La bête qu'on immole pour le nouveau-né, on appelle aqiqa. L'enfant est l'otage de sa aqiqa. Tant qu'elle n'a pas été immolée, il est pris en otage. Elle doit être immolée le septième jour, et ce jour-là, on le nomme, on lui donne un prénom et on lui rase la tête. في العقيقة السنة أن تفعل في اليوم السابع ويوم الولادة يحسب في الحساب. Donc, العقيقة, la sunna veut que ce soit fait le septième jour et on compte le jour de la naissance. مثلاً ولد في نهار يوم الاثنين متى تكون العقيقة يوم الأحد يوم الأحد. Par exemple, l'enfant est né dans la journée du lundi. C'est quand la aqiqa? C'est dimanche, puisqu'on compte le lundi. طيب ولد مثلاً في الليل كالآن نحن كنا يوم الأحد ونحن الآن في الليل ولد الآن في الليل متى تكون العقيقة؟ Là on est la nuit, on était dimanche, on est la nuit. Et il naît pendant la nuit, l'enfant. C'est quand sa aqiqa? Al-Ahad, dimanche. لماذا؟ لأن نحن الآن في ليلة الاثنين. نحن الآن ماذا؟ في ليلة الاثنين. Pourquoi? Parce que là, on est dans la nuit du lundi. Al-laylu sabiqu an-nahar. La nuit, elle précède la journée. نحن الآن في الاثنين. منذ صلاة المغرب دخلنا في الاثنين. Depuis le maghrib, on est entré dans le lundi. يعني في الإسلام كل مغرب يتغير اليوم. En islam, c'est tous les maghrib, l'horaire de le maghrib, que le jour il change. ولهذا إذا كنا في نهاية شعبان وفي ليلة الشك من رمضان وقيل لنا أن غدا رمضان الليلة نصلي التراويح. لماذا؟ لأننا في ليلة أول رمضان. C'est pour cela que lorsqu'on est à la fin de Sha'ban, dans la nuit du doute, puis on nous annonce demain c'est le premier jour de Ramadan, ce soir on fait Tarawih, parce qu'on est la nuit du premier Ramadan. وفي نهاية شهر رمضان ليلة الشك للعيد نخبر يخبر جينا اتينا الخبر بان غدا العيد لا نصلي التراويح الليله. لماذا؟ لان هذه تصبح ليله العيد ليست ليله رمضان هذه ليله للعيد. À la fin du mois de Ramadan, on nous annonce demain c'est l'Eid, ce soir on fait pas التراويح. Pourquoi? Parce que c'est la nuit de l'Eid. On est sorti du mois de Ramadan. On est sorti du mois de Ramadan. طيب. والعقيقة إما كبشين أو شاتين للذكر وكبش أو شات للأنثى. Ce qu'on doit immoler, c'est soit un mouton ou une chèvre pour une fille. Et pour le garçon, c'est deux moutons ou deux chèvres. Mâle ou femelle, hein. C'est pas un problème ça. تذبح عنه يوم السابع. Donc, elle doit être immolée le septième jour. فإن لم تفعل في السابع ففي الرابع عشر. إن لم تفعل في الرابع عشر ففي إحدى وعشرين. Donc, si on l'a, on doit le faire le septième jour. Si on ne l'a pas fait le septième jour, on le fait le quatorzième jour. Si on ne l'a pas fait le quatorzième jour, on le fait le vingt-et-unième jour. إن لم تفعل في إحدى وعشرين تفعل في أقرب وقت. Si elle n'est pas faite le 21, elle doit être faite le plus tôt possible. وهناك من العلماء ويذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله أنه حتى إن كبر وعلم أن والديه لم يعق عنه فعليه أن يعق عن نفسه لأنه مرتهن بعقيقته. Il y a certains savants, et Cheikh Al-Albani rahimahullah défend cet avis. Il dit que si jamais une personne elle a grandi et elle apprend que ses parents n'ont jamais immolé la bête pour sa naissance, elle se doit de la faire pour sa propre personne, parce qu'elle est toujours prise en otage tant que la harika n'a pas été faite. ويسمى ومن السنة أن ينتظر اليوم السابع للتسمية. Ça, ça fait partie de la sunna, normalement, qu'on attend le septième jour pour donner un nom à l'enfant. لكن هنا يصعب الحال. يعني في بعد الولادة مباشرة يطلبون من الشخص أن يسمي. لكن إن استطاع ينتظر وإلا فلا بأس. Mais ici, c'est vrai qu'ils veulent un prénom le jour même, le moment même de la naissance. Si quelqu'un peut retarder, qu'il le fasse. S'il ne le peut, il n'y a pas de mal à cela. ويحلق رأسه, et on lui rase la tête, on lui rase complètement sa tête. هذا لا إشكال في هذا. هناك من يقول أنا أخاف, ما في خوف, سبحان الله, الأمر هين. Il y en a qui disent j'ai peur pour l'enfant. Il n'y a aucun mal. La chose elle est très très simple. C'est seulement celui qui n'a pas l'habitude, il a peur seulement. وهناك من العلماء من قال أن هذا خاص للذكر وليس للأنثى. لكن بعض العلماء الآخرون قالوا لا دليل على هذا التفريق, ولهذا الرأي الأصوب في هذا والله أعلم أنه للذكر والأنثى. Il y a des علماء qui disent ça c'est propre aux garçons, la fille on lui rase pas sa tête. Mais d'autres علماء ont répliqué en disant il n'y a aucun dalil, aucune preuve qui vient faire distinction entre le garçon et la fille. Donc la règle de base, c'est que c'est pour les deux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري. Dans ce hadith rapporté par le Bukhari, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, voilà celui qui est dans le sentier d'Allah. لم يقاتل حمية ولا عصبية لا لقبيلة ما ولا لشعوبية ما ولا لجهة ما بل لله تبارك وتعالى لا يريد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. Il n'a pas combattu pour tel parti, pour tel mouvement, pour telle nation, pour telle région, pour aucun fanatisme quel que soit, non, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, le voilà celui qui est dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Et dans ce hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui meurt alors qu'il a invoqué ou il a donné à Allah un égal, celui-là il sera dans le feu. الشرك هو أعظم ذنب وأعظم جرم وأكبر الكبائر وأكبر منكر هو الشرك بالله. الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى وصاحبه مخلد في نار جهنم. Le polythéisme, c'est le plus grand mal, le plus grand péché, le plus grand crime. Il n'y a rien de plus pire que de donner à Allah un associé, alors que c'est lui qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Le polythéisme, c'est l'acte qu'Allah ne pardonne pas. Et celui qui meurt avec le polythéisme est voué à l'enfer éternellement. Qala ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans le verset, Allah nous dit dans le sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, celui qui vient associer à Allah, Allah lui interdit l'entrée au paradis. Et il n'aura comme demeure que l'enfer. Et les injustes n'auront personne pour les secourir. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a été révélé à toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes et les messagers, que si tu viens à associer, toutes tes œuvres tomberaient, et tu seras le jour dernier parmi les perdants. لأن الشرك الأكبر يبطل الأعمال يحبط الأعمال كلها. Le grand polythéisme vient à faire tomber, à rendre vaines toutes les œuvres que tu aurais pu accomplir. Wa akbaru ma'ruf wa akbaru 'amalin salih. Laysa hunaka 'amal salih akbar minhu wa la ma'ruf akbar minhu wa la a'zam minhu huwa tawhidullah tabaarak wa ta'ala. Et le plus grand bien et la meilleure des œuvres, aucune œuvre n'est au-dessus de cette œuvre-là, c'est le monothéisme. L'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fa min ahkam al-sharia al-amru bil-ma'ruf wal-nahyu 'anil munkar. Awwal ma'ruf wa akbar ma'ruf tad'u ilayhi wa ta'mur bihi huwa tawhid Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akbar munkar wa a'zam munkar tanha 'anhu huwa ash-shirk. Wa hadha awwal ma tabda bihi. Donc, parmi les règles de l'islam, il y a d'ordonner le convenable, le bien, et d'interdire le blâmable et le mal. Et le plus grand bien, le plus énorme, et le prioritaire, c'est le monothéisme. Donc, c'est la première des choses à laquelle tu dois appeler, et que tu dois ordonner les gens. Et le plus grand mal, et le plus grand blâmable, c'est le polythéisme. C'est la première des choses à laquelle tu dois mettre en garde et interdire aux gens. Rien ne passe avant cela. لأن التوحيد من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليعبدون أي ليوحدون. يوحد الله تبارك وتعالى. هذا هو السبب الذي من أجله خلق الله الثقلين سبحانه وتعالى لعبادته. وهذا هو حق الله على العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يدخل أحد النار لم يشرك بالله شيئا. Donc le monothéisme, c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. Il nous a créés que pour qu'on l'adore seul sans rien lui associer. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, pour vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit que pour qu'ils m'adorent, qu'ils mettent en application le monothéisme, qu'ils adorent une seule divinité, la véritable divinité qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il a dit, Allah et son messager en savent plus. Il a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il n'entrera personne en enfer qui n'a pas associé à Allah, qui n'a pas fait de polythéisme. La ilaha illallah, hiya al-kalimatu tayyiba. La ilaha illallah, hiya al-urwatu al-wuthqa. La ilaha illallah, kalimatun qamat biha al-samawat wal-ard. Lo wudi'at al-samawat al-sab' wal-aradun wa man fihinna fi kaff al-mizan. ووضعت لا إله إلا الله في الكف الآخر لرجحت بهن لا إله إلا الله لا شيء أثقل من لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله لا يريد بذلك إلا وجه الله حرم الله عليه النار. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام يا قوم, كان في مكة يدعوهم إلى الإسلام, يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مفتاح الإسلام لا إله إلا الله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, celui qui dit la ilaha illallah, ne voulant par là que la face d'Allah, ne cherchant par là que la face d'Allah, Allah lui interdit l'enfer. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur entrera au paradis. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. L'heure ne vient pas alors que sur terre il y a quelqu'un qui dit la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la bonne parole, c'est l'anse la plus solide. La ilaha illallah, c'est la clé de l'islam. La ilaha illallah, c'est une parole sur laquelle, pour laquelle ont été créés les cieux et la terre. Si on vient à mettre sur le plateau d'une balance les sept cieux, les terres et tout ce qui s'y trouve sur ce plateau, et sur l'autre plateau, on met la ilaha illallah, la ilaha illallah serait bien plus lourde. Il n'y a rien de plus lourd que cette parole de la ilaha illallah, cette parole pour laquelle Allah tabarak wa ta'ala nous a créé. La ilaha illallah fiha nafi wa fiha ithbat la ilaha. لا يوجد أحد يستحق العبادة كل ما يعبد فهو إله ولكنه إله باطل كل ما يعبد من دون الله آلهة ولكنها آلهة باطلة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ففيها نفي لا إله لا يوجد إله إلا الله هذا إثبات فالمعبود بحق والذي يستحق العبادة هو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc dans cette parole, cette belle parole la ilaha illallah, cette attestation de foi, il y a une négation et il y a une affirmation. La ilah, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Tous ceux qui sont adorés, ils deviennent par là des divinités. Mais ce sont des divinités fausses. On n'a pas le droit de leur donner une quelconque adoration. Ça, c'est la négation. Le seul qui est la divinité, la véritable divinité, digne d'être adorée, c'est Allah. Et là, il y a l'affirmation. C'est le seul, subhanahu wa ta'ala. Ceci parce qu'Allah est la vérité. Et ce qui est adoré en dehors de lui n'est que le faux. Et qu'Allah, il est l'élevé. Et il est le puissant, subhanahu wa ta'ala. فالمعبودات كثيرة. هناك من يعبد الحيوان ومن يعبد الأحجار ومن يعبد الأصنام ومن يعبد الأشجار ومن يعبد الشمس والقمر والنجوم والنساء والهوى كل وما يعبد من دون الله لكن هذه معبودات كلها باطلة كلها باطلة وهي من الشرك الأكبر. وهناك من يعبد الأنبياء وهناك من يعبد الملائكة وهناك من يعبد الصالحين كلها عبادات باطلة. والذي يعبد النبي والذي يعبد الحجر هذا سواء شرك وشرك لا يقبله الله تبارك وتعالى وصاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. Donc nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah sont des divinités, mais c'est tous des divinités fausses. Il y a ceux qui adorent le soleil, la lune, les arbres, la pierre, les idoles, la femme, la passion. Des adorés en dehors d'Allah, il y en a plein, on ne peut les dénombrer, mais elles sont toutes fausses. Il y en a qui adorent les anges, il y en a qui adorent les prophètes, les saints. Toutes ces adorations sont vaines. Et celui qui adore un prophète et celui qui adore une pierre, c'est la même chose. Il a adoré autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est voué à l'enfer éternellement. Qu'Allah nous en préserve. Wa hunaka min an-nas man yufassir la ilaha illallah tafsiran khata'an khati'an ka jama'at at-tabligh. يقومون يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مدبر إلا الله هذا ليس معنى لا إله إلا الله هذا توحيد الربوبية أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت الله واحد في أفعاله سبحانه وتعالى لكن هذا التوحيد كان عند المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله المشرك العرب كانوا يعترفون بهذا التوحيد ولكن هذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام وهذا التوحيد لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتالهم حتى مع التوحيد كانوا مشركين والعياذ بالله فكيف يفسر التوحيد بهذا هذا الجهل والعياذ بالله يقول ندعو إلى الإسلام هم أحوج للدعوة من غيرهم كيف تدعو بجهل لا تعرف معنى كلمة الإخلاص فكيف بما سواها وهي أصل الإسلام والعبادات لا تقبل إلا بالشروط. Donc je disais que il y en a, on retrouve des personnes comme le mouvement des tablir et de da'wa qui prétendent prêcher l'islam alors qu'ils ont plus besoin d'être prêchés à l'islam. Ils ne comprennent même pas le sens de la ilaha illallah et ils disent la ilaha illallah, ça veut dire que c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui pourvoit, c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort. Ça, on appelle ça tawhid al-rububiyya. C'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Qu'Allah, dans ses actes à lui, subhanahu wa ta'ala, il est l'unique, il est le seul. Cette forme d'unicité, les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'avaient. Et si tu viens au Muhammad, aller questionner qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Ils n'avaient aucun doute, les polythéistes de l'époque. Ils n'avaient jamais dit que ces idoles et ces statues, c'est eux qui ont créé. Jamais. Ils savaient qu'Allah c'est lui qui a créé. Et ils savaient que c'est Allah qui donne la subsistance. Et ils savaient que c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort. Mais seulement, dans l'adoration, ils adoraient autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette forme d'unicité ne les a pas fait entrer dans l'islam. Et n'a pas empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de les combattre. Comment des gens, avec cette ignorance, ils viennent expliquer la ilaha illallah? S'ils ne savent même pas expliquer la ilaha illallah, qui est la base même de l'islam, mais que dire du reste, subhanallah? Que dire des restes des règles de l'islam? Alors que toutes les règles qui vont suivre, elles dépendent de la ilaha illallah. Elles ne seront acceptées les adorations qu'avec les conditions de validité. Al-ibada kama qala al-shaykh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est un terme général, englobant l'adoration. C'est un terme général, englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes intérieurs et extérieurs. والعمل لا يكون عملا صالحا إلا إذا توفرت فيه الشروط. Et une œuvre n'est une bonne œuvre agréé et accepté d'Allah tabaraka wa ta'ala que si elle comporte ses conditions de validité. أولاً أن يكون هذا العمل خالصاً لله تبارك وتعالى. ثانياً أن يكون موافقاً للسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قام بهذا قام بتطبيق الشهادتين. لا إله إلا الله أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. محمد رسول الله أن تعبد الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع سبحانه وتعالى. إذن donc les conditions de validité c'est quoi? La sincérité. Que toute œuvre que tu la fais sincèrement, exclusivement réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'œuvre soit en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'elle soit dans le suivi des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu les as accomplis, ces conditions, tu as mis en application les deux attestations de foi. La sincérité, t'as appliqué la ilaha illallah. Le suivi du prophète Mohammed sallam, t'as appliqué le témoignage que Mohammed est bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà l'œuvre qui est bonne et qui est acceptée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man katama ilman ألجمه الله بلجام من نار صحيح رواه أحمد. Dans ce hadith authentique rapporté par Ahmed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui cache une connaissance, un savoir, sera jeté dans le feu de l'enfer, sera puni dans le feu de l'enfer. وهذا يكثر هناك من تراه يجيب الناس ويفتي الناس بغير الحق هناك من يريد الدنيا وزينتها والعياذ بالله يبيع دينه بعرض من الدنيا. Et ça, on le retrouve même dans notre époque. والعياذ بالله. Tu trouves une personne répondre, faire des fatwas avec des réponses qui sont contraires à la science, contraires à ce que dit la législation musulmane. Pourquoi? Pour gagner un vil prix de ce bas monde, pour gagner quelque chose, un plaisir de ce bas monde. Qu'Allah nous en préserve. Il vend sa religion pour un bas prix de ce bas monde. Wal'iyadhu billah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Rawahu al-Bukhari. Dans ce hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance à Allah. L'obéissance n'est que dans le bien, n'est que dans ce qui est permis. فَالطَّاعَةَكُنُ لِمَنْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ عَلَيْكَ طَاعَتُهُ هَذِهِ الطَّاعَةُ مُقَيَّدَ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. رب العالمين أمرنا بطاعة ولي الأمر ولكن هذه الطاعة تكون في المعروف فقط فإذا أمرنا بمعصية فلا طاعة ولا سماع. رب العالمين أمرنا بطاعة الوالدين فنطيعهم في المعروف إن أمرونا بمعصية فلا طاعة ولا سماع لأنها خارجة عن طاعة الله تبارك وتعالى. Donc رب العالمين le maître des seigneurs, le seigneur des mondes سبحانه وتعالى nous ordonne d'obéir à certaines personnes. Mais cette obéissance, elle doit être comprise dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous ordonne d'obéir au gouvernant. Mais si le gouvernant nous ordonne quelque chose d'interdit, on n'a pas le droit d'obéir à ce moment-là. On ne lui obéit que dans ce qui est convenable, que dans ce qui est permis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir aux parents tant qu'il nous ordonne le bien, tant qu'il nous ordonne quelque chose de convenable. S'ils viennent à nous demander de faire quelque chose d'interdit, alors là, il n'y a pas d'obéissance pour cela. Pourquoi? Parce que cela ramène la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith al-akhar, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Et dans l'autre hadith, il n'y a pas d'obéissance à une créature lorsque cela amène à la désobéissance du Créateur subhanahu wa ta'ala. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب صحيح رواه الحاكم. Dans ce hadith authentique rapporté par Al-Hakim, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: craignez Allah, faites preuve de piété envers Allah, et ne prenez que ce qui est licite, autorisé. C'est-à-dire, éloignez-vous de tout ce qui est interdit. وهذا أمر مهم. الإنسان عليه أن يعيش بالحلال وإن كان قليلا ويبتعد عن الحرام وإن كان كثيرا. C'est un grand enseignement. La personne se doit de vivre avec le licite, même s'il est peu. Et il s'éloigne de l'interdit, l'illicite, même s'il est en grande quantité. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أي في نفسي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit: le Saint-Esprit, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, le Saint-Esprit a insufflé en moi qu'aucune âme ne mourra jusqu'à qu'elle prenne complètement son risque, sa subsistance. Elle le prendra complètement. Et qu'elle atteigne sa limite d'âge. Elle ne mourra pas avant, ni après. Quand elle meurt, c'était sa limite d'âge. Demandez ce qui est auprès d'Allah par des bons moyens, par des moyens permis. Car ce qui est auprès d'Allah ne se prend pas par des moyens illicites. Wa fil hadith al-akhar, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba', 'an shababihi fima ablah, wa 'an 'umurihi fima afnah, wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'homme, le jour du jugement dernier, ne fera pas un pas jusqu'à qu'il soit questionné sur quatre choses: dans quoi il a passé sa jeunesse et sa vie, qu'a-t-il fait de son savoir, est-ce qu'il l'a mis en pratique, et sa richesse, son argent, ses biens, comment il les a acquis et dans quoi il les a dépensés. Sur toutes ces choses, tu en seras questionné يوم القيامة. فالإنسان عليه أن يعرف مصادر رزقه من أين أتته أن من وجه حلال طيب أم لا وفي الشك يترك ذلك أفضل له. Donc la personne se doit de vérifier les sources de sa subsistance. D'où est-ce que cet argent lui est venu? Est-ce que c'est d'un bon moyen, un moyen permis, licite ou non? Et dans le doute, le mieux pour lui, c'est de s'en éloigner. Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Wa fil hadith, al halal bayyin والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Et dans le hadith, il est dit, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: le licite est clair et l'illicite est clair, et entre les deux il y a des choses qui sont ambigu, pas clair. Et entre les deux, il y a des choses qui sont ambiguës, pas claires. La plupart des gens ne les connaissent pas. Il n'y a que les gens du savoir. Tu demandes aux gens du savoir, eux, ils vont te dire la règle sur ces choses-là. Mais à première vue, toi, tu ne sais pas. Celui qui s'est éloigné des choses ambiguës a préservé sa religion et son honneur. Et celui qui vient à tomber dans ces choses ambiguës est tombé dans l'interdit. Qu'Allah nous en préserve. فالقضية ليست فقط جمع الأموال هكذا لا ندري من أين أتت. L'histoire n'est pas seulement ramasser et de ramasser sans se soucier d'où est-ce qu'il vient cet argent. Wal'iyadu billah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك صحيح رواه ابن النجار. ابن النجار رحمه الله rapporte dans ce hadith authentique d'après le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit: préserve les liens de parenté avec celui qui les a coupés. Lie les liens de parenté avec celui qui les a coupés. Et sois bon envers celui qui a été mauvais avec toi. Et dis la vérité même contre ta propre personne. C'est un grand comportement, un noble caractère. فَتَرَى مِنَ النَّاسِ مَنْ يُكَافِي بِالْمِثْلِ Il y a des gens, comme on dit en français, ils rendent la monnaie. Comme tu es avec lui, il est avec toi. C'est comme ça qu'il réagit. Et c'est beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont comme ça. Il coupe les liens de famille, moi aussi je coupe les liens de famille. Il pense que c'est ça l'homme. C'est ça la réaction. Adam khilaf, قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. Prophète Sassam il dit dans un hadith: celui qui préserve les liens de famille, ce n'est pas celui qui rend la monnaie, comme on dit, genre quelqu'un vient lui rendre visite, il va lui aussi il va lui rendre visite. Non, c'est celui, quand on coupe les liens de famille, il va préserver les liens de famille. قال واحد يقول فيه صعوبة يعني يبغى يقول quoi ah c'est dur. صعوبة على ماذا؟ على النفس. C'est dur pourquoi? Pour le nefs. ولكن الأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. Mais la récompense elle est grande auprès d'Allah سبحانه وتعالى. لو قلنا لأحد تمشي تدق الباب على فلان على عمك وهو لا يريد أن يراك لكن كلما دقيت الباب عليه وسلمت عليه واعطيك 1000 اورو هاي صار عام ما يمشي اليه. Si on disait à une personne: ton oncle qui veut pas te voir, il veut pas te voir, à chaque fois que tu toques à sa porte, tu lui passes le salam, on te donne 1000 euros, tout le monde le dirait, tout le monde dirait. Et bien la récompense elle est bien plus grande, subhanallah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأحسن إلى من أساء إليك. نعم، لأنك مطلوب منك أن تدفع بالتي هي أحسن. Et sois bon envers celui qui a été mauvais avec toi. Parce qu'il t'est demandé de pousser le mal par ce qui est meilleur. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة. Donc, dans ce verset, dans le sens du verset, c'est très bien. Continuez à parler, les frères. Alors, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que je disais? Lequel verset? Naam. Dans ce verset, Allah nous dit dans le sens du verset: et la bonne action n'est pas égale de la mauvaise action. Ils ne sont pas égaux. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Il n'a pas dit par le bien, par ce qui est meilleur. Et tu vois celui avec qui tu avais une animosité, avec qui tu étais ennemi, il devient comme un ami proche de toi, un bon ami à toi. Wa qul al-haqqa wa law ala nafsik. Eh na'am, al-muslim yaqul al-haqq. ليس من سمات المؤمنين الكذب والعياذ بالله. الكذب من صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث ومنها إذا حدث كذب. Ça fait partie des caractéristiques du croyant et du musulman. il ne dit que la vérité. Il ne ment pas. Le mensonge n'est pas un caractère d'un croyant. Le mensonge est le caractère d'un hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Et il a cité quoi? Lorsqu'il parle, il ment. Donc quelqu'un s'éloigne de ce mauvais comportement. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bis-sidq, fa inna as-sidq yahdi ila al-birr, wa inna al-birr yahdi ila al-jannah, wa la yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Parlez avec véracité, car la véracité elle mène vers le bien, et le bien y mène vers le paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique et de parler avec véracité jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme véridique. Et attention au mensonge, car le mensonge mène vers le mal, et le mal mène vers l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de parler avec mensonge jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme grand menteur. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui veut que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, faites preuve de piété envers Allah et restez, soyez avec les véridiques. وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il suffit à l'homme pour être menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Le fait de rapporter tous les propos, les rumeurs, l'isha'at, tu deviens menteur à cause de ça. Que dire alors quand, lorsque de base c'était un mensonge? Le fait de répéter tout ce qui vient à ton oreille fait de toi un menteur. Qu'Allah nous en préserve. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.